Il y a quelques jours, les autorités sud-coréennes ont jugé un ancien professeur d'une université dans la province du Gyeonggi pour le condamner aux travaux forcés, à la suspension de fonctions et à la surveillance protégée en vertu de la loi sur la sécurité. Quant à l'accusé, il a depuis 2006 fait paraître sur les journaux internet Jajo Sibo, Tongil News et Minzok Tongsin des centaines d'écrits sur les mémoires du président Kim Il-sung à travers le siècle. En 2012, il s'est présenté à la conférence spéciale et au séminaire tenu aux États-Unis à l'occasion du centenaire de naissance du président Kim Il-sung et a déclaré que la Corée du Nord avancera sans vacillation unie autour du dirigeant suprême Kim Jong-un. Les autorités sud-coréennes ont prétendu que l'accusé a suivi aveuglément les idées de la Corée du Nord.